Rien ne complique autant les détails de la vie qu'un manque d'accord entre époux. On voit des familles en subir les fâcheuses conséquences au point de demeurer des années entières dans un lieu déplaisant et incommode par suite des difficultés que la moindre décision à prendre pourrait soulever. Vronsky et Anna en étaient là. Les arbres des boulevards avaient eu le temps de se couvrir de feuilles et les feuilles de se ternir de poussière, qu'il restait encore à Moscou, dont le séjour leur était odieux à tous deux. Et cependant, aucune cause grave de mésintelligence n'existait entre eux, en dehors de cette irritation latente qui poussait Anna à de continuelles tentatives d'explication et Vronsky à lui opposer une réserve glaciale. De jour en jour, l'aigreur augmentait. Anna considérait l'amour comme le but unique de la vie de son amant et ne comprenait celui-ci qu'à ce point de vue. Mais ce besoin d'aimer, inhérent à la nature du conte, devait se concentrer sur elle seule, sinon elle le soupçonnait d'infidélité et, dans son aveugle jalousie, s'en prenait à toutes les femmes. Tantôt elle redoutait les liaisons grossières, accessibles à Vronsky en qualité de célibataire. Tantôt elle se méfiait des femmes du monde, et notamment de la jeune fille qu'il pourrait épouser dans le cas d'une rupture. Cette crainte avait été éveillée dans son esprit par une confidence imprudente du comte, celui-ci ayant blâmé, un jour d'abandon, le manque de tact de sa mère qui s'était imaginée de lui proposer d'épouser la jeune princesse Sarokine. La jalousie amenait Anna à accumuler les griefs les plus divers contre celui qu'au fond elle adorait. C'était lui qu'elle rendait responsable de leur séjour prolongé à Moscou, de l'incertitude dans laquelle elle vivait, et surtout de sa douloureuse séparation avec son fils. De son côté, Vronsky, mécontent de la position fausse dans laquelle Anna avait trouvé bon de s'opiniâtrer, lui en voulait d'en aggraver encore les difficultés de toute façon. S'il survenait quelques rares moments de tendresse, Anna n'en éprouvait aucun apaisement et n'y voyait de la part du comte que l'affirmation blessante d'un droit. Le jour baissait, Vronsky assistait à un dîner de garçons et Anna s'était réfugiée pour l'attendre dans le cabinet de travail où le bruit de la rue l'incommodait moins que dans le reste de l'appartement. Elle marchait le long en large, repassant sa mémoire le sujet de leur dernier dissentiment, s'étonnant elle-même qu'une cause aussi futile eût dégénéré en une scène pénible. À propos de la protégée d'Anna, Vronsky avait tourné en ridicule les gymnases de femmes, prétendant que les sciences naturelles seraient d'une médiocre utilité à cet enfant. Anna avait aussitôt appliqué cette critique à ses propres occupations, et afin de piquer Vronsky à son tour, avait répondu « Oh, je ne comptais certes pas sur votre sympathie, mais je me croyais en droit d'attendre mieux de votre délicatesse. » Le comte avait rougi et, pour achever de froisser Anna, s'était permis de dire « Oh, j'avoue que je ne comprends rien à votre engouement pour cette petite fille. Il me déplaît, je n'y vois qu'une affectation. » L'observation était dure et injuste, et elle s'attaquait au laborieux effort d'Anna pour se créer une occupation qui l'aidât à supporter sa triste position. Il est bien malheureux que les sentiments grossiers et matériels vous soyez seuls accessibles, avait-elle reparti en quittant la chambre. Cette discussion ne fut pas reprise, mais tous deux sentirent qu'ils n'oubliaient pas. Une journée entière passée dans la solitude avait cependant fait réfléchir Anna, et, malheureuse de la froideur de son amant, elle prit la résolution de s'accuser elle-même afin d'amener à tout prix une réconciliation. « C'est mon absurde jalousie qui me rend irritable. Mon pardon obtenu, nous partirons pour la campagne, et là je me calmerai, » pensa-t-elle. « Je sais bien qu'en m'accusant d'affecter de la tendresse pour une étrangère, il me fait le reproche de ne pas aimer ma fille. Et que sait-il de l'amour qu'un enfant peut inspirer ? Se doute-t-il de ce que je lui ai sacrifié en renonçant à Serge? S'il cherche à me blesser, c'est qu'il ne m'aime plus, qu'il en aime une autre. Mais, s'arrêtant sur cette pente fatale, elle fit effort pour sortir du cercle d'idées qui l'affolait et donna l'ordre de monter ses malles afin de commencer ses préparatifs de départ. Vronsky rentra à 10 heures. « Votre dîner a-t-il réussi ?» demanda Anna à l'entre-devant du comte d'un air conciliant. « Comme ils réussissent d'ordinaire, » répondit celui-ci, remarquant aussitôt cette disposition d'esprit favorable. « Que vois-je, on l'emballe ? » ajouta-t-il en apercevant les malles. « Voilà qui est gentil. »« Oui, mieux vaut nous en aller. La promenade que j'ai faite aujourd'hui m'a donné le désir de retourner à la campagne. » D'ailleurs, nous n'avons rien qui nous retienne ici. Bon, je ne demande qu'à partir. Fais servir le thé pendant que je change d'habit. Je reviens à l'instant. L'approbation relative au départ avait été donnée d'un ton de supériorité blessant. On aurait dit que le comte parlait à un enfant gâté dont il excusait les caprices. Le besoin de lutter se réveilla aussitôt dans le cœur d'Anna. Et pourquoi se ferait-elle humble devant cette arrogance ? Elle se contint cependant, et quand il rentra, elle lui raconta avec calme les incidents de la journée et ses plans de départ. « Je crois que c'est une inspiration, » dit-elle. « Au moins couperai-je court à cette éternelle attente. Je veux devenir indifférente à la question du divorce. N'est-ce pas ton avis ?»« Certainement, » répondit-il, remarquant avec inquiétude l'émotion d'Anna. « Raconte-moi à ton tour ce qui s'est passé à votre dîner, » dit-elle après un moment de silence. « Oh, le dîner était fort bon, » répondit le comte, et il lui nomma ceux qui y avaient assisté. « À la suite, nous avons eu des régates, mais comme on trouve toujours à Moscou le moyen de se rendre ridicule, on nous a exhibé la maîtresse de natation de la reine de Suède. « Comment cela ? Elle a nagé devant vous ?» demanda Anna, se rembrunissant. « Oui, dans un affreux costume rouge, c'était hideux. Quel jour partons-nous ? Peut-on imaginer une plus sotte invention ? Y a-t-il quelque chose de spécial dans sa façon de nager ? Pas du tout, c'était simplement absurde. Alors tu as fixé le départ ? » Anna secoua la tête comme pour en chasser une obsession. « Oh, le plus tôt sera le mieux, je crains de n'être pas près de demain, mais après-demain. »« Après-demain et dimanche, je serai obligé d'aller chez maman. » Vronsky se troubla involontairement en voyant les yeux d'Anna fixer un regard soupçonneux sur lui, et ce trouble augmenta la méfiance de celle-ci. Elle oublia la maîtresse de natation de la reine de Suède, pour ne plus s'inquiéter que de la princesse Sarokine qui habitait aux environs de Moscou avec la vieille comtesse. « Ne peux-tu y aller demain ?»« C'est impossible à cause d'une procuration que je dois faire signer à ma mère et de l'argent qu'elle doit me remettre. »« Alors nous ne partirons pas du tout. »« Mais pourquoi cela ?»« Dimanche ou jamais ?» « Mais cela n'a pas le sens commun !» s'écria Vronsky étonné. « Pour toi, parce que tu ne penses qu'à toi, et que tu ne veux pas comprendre ce que je souffre ici. Jan, le seul être qui m'intéressait, tu as trouvé moyen de m'accuser d'hypocrisie à son égard. Selon toi, je pose, j'affecte des sentiments qui n'ont rien de naturel. Je voudrais bien savoir ce qui pourrait être naturel dans la vie que je mène. » Et elle eut peur de sa violence et ne se sentait pourtant pas la force de résister à la tentation de lui prouver ses torts. « Tu ne m'as pas compris, » reprit Vronsky. « J'ai voulu dire que cette tendresse subite ne me plaisait pas. » « Oh, ce n'est pas vrai. Et pour quelqu'un qui se vante de sa droiture, je n'ai ni l'habitude de me vanter, ni celle de mentir, » dit-il, réprimant la colère qui grondait en lui. et je regrette fort que tu ne respectes pas. Ouf, le respect a été inventé pour dissimuler l'absence de l'amour. Or, si tu ne m'aimes plus, tu ferais plus loyalement de le voyer. Mais c'est intolérable! Cria presque le comte, s'approchant brusquement d'Anna. Ma patience a débordé, pourquoi la mettre ainsi à l'épreuve? Dit-il, contenant les paroles amères prêtes à lui échapper. Que voulez-vous dire par là? Demanda-t-elle, épouvantée du regard haineux qu'il tourna vers elle. C'est moi qui vous demanderai ce que vous prétendez de moi. Mais que puis-je prétendre, si ce n'est de n'être pas abandonné, comme vous avez l'intention de le faire? Au reste, la question est secondaire. Je veux être aimé, et si vous ne m'aimez plus, tout est fini. Elle se dirigea vers la porte. Attends, dit Vronsky en la retenant par le bras. De quoi s'agit-il entre nous? Je demande à ne partir que dans 3 jours, et tu réponds à cela que je mens et que je suis un malhonnête homme. Oui, et je le répète. Un homme qui me reproche les sacrifices qu'il m'a faits, c'était une allusion à d'anciens griefs, est plus que malhonnête. C'est un être sans cœur. Décidément, ma patience est à bout, dit Vronsky, et il la laissa partir. Anna rentra dans sa chambre d'un pas chancelant et s'affaissa sur un fauteuil. Il me hait, c'est certain. Il en aime une autre. C'est plus certain encore. Tout est fini. Il faut fuir, mais comment? Les pensées les plus contradictoires l'assaillirent. Où aller? Chez sa tante qui l'avait élevée? Chez Dolly ou simplement à l'étranger? Cette rupture serait-elle définitive? Que faisait-il dans son cabinet? Que dirait Alexis Alexandrovitch et le monde de Pétersbourg? Une idée vague qu'elle ne parvenait pas à formuler l'agitait. Elle se rappela un mot dit par elle à son mari après sa maladie. Pourquoi ne suis-je pas morte? Et aussitôt, ces paroles réveillèrent le sentiment qu'elles avaient exprimé jadis. Mourir, oui, c'est la seule manière d'en sortir. Ma honte, le déshonneur d'Alexis Alexandrovitch, et celui de Serge, tout s'efface avec ma mort. Il me pleurera alors, me regrettera, m'aimera. Un sourire d'attendrissement sur elle-même effleura ses lèvres, tandis qu'elle ôtait machinalement les bagues de ses doigts. Anna, dit une voix près d'elle, qu'elle entendit sans lever la tête, je suis prête à tout, partons après-demain. Vronsky était entré doucement et lui parlait avec affection. Eh bien? Fais comme tu veux, répondit-elle, incapable de se maîtriser plus longtemps, et elle fondit en larmes. Quitte-moi, murmura-t-elle à travers ses sanglots. Je m'en irai. Je ferai plus. Que suis-je? Une femme perdue, une pierre à ton cou. Je ne veux pas te tourmenter davantage. Tu en aimes une autre, je te débarrasserai de moi. Vronsky la supplia de se calmer, jura qu'il n'existait pas la moindre cause à sa jalousie, protesta de son amour. Mais pourquoi nous torturer ainsi? Lui demanda-t-il. Anna crut remarquer des larmes dans ses yeux et dans sa voix. Et, passant soudain de la jalousie à la tendresse la plus passionnée, elle couvrit de baisers la tête, le cou et les mains de son amant. La réconciliation était complète. Dès le lendemain, Anna, sans fixer définitivement le jour du départ, en activa les apprêts. Elle était occupée à retirer divers objets d'une malle ouverte et à les empiler sur les bras d'Anouchka, lorsque Vronsky entra, habillé pour sortir, malgré l'heure encore matinale. Je vais immédiatement chez maman, peut-être pourra-t-elle m'envoyer l'argent, et dans ce cas, nous partirons demain. L'allusion à cette visite troubla les bonnes dispositions d'Anna. Oh non, non, ce n'est pas la peine, je ne serai pas prête moi-même. Mais aussitôt, elle se demanda pourquoi le départ, impossible la veille, devenait admissible ce matin. Mais fais comme tu en avais eu l'intention, ajouta-t-elle. Et maintenant va déjeuner, je te rejoins. Quand elle entra dans la salle à manger, Vronsky mangeait un beefsteak. Oh, cet appartement meublé me devient odieux, et la campagne m'apparaît comme la terre promise, dit-elle d'un ton animé, mais, en voyant le valet de chambre entrer pour demander le reçu d'une dépêche, son visage s'allongea. Il n'y avait rien d'étonnant cependant à ce que Vronsky reçut un télégramme. De qui la dépêche ? De Stiva, répondit sans empressement le comte. Mais pourquoi ne me l'as-tu pas montré ? Quel secret y a-t-il entre mon frère et moi ? Stiva, la manie du télégraphe, qu'avait-il besoin de m'envoyer une dépêche pour lui dire que rien n'était décidé ? Ah, pour le divorce ? Oui, il prétend ne pas pouvoir obtenir de réponse définitive. Tiens, vois toi-même. Anna prit la dépêche d'une main tremblante. La fin en était ainsi conçue. Peu d'espoir, mais je ferai le possible et l'impossible. Ne t'ai-je pas dit hier que cela m'était indifférent ? Aussi était-il parfaitement inutile de me rien cacher. Il en use ainsi peut-être pour ses correspondances avec des femmes, pensa-t-elle. Je souhaiterais que cette question t'intéressât aussi peu que moi. Elle m'intéresse parce que j'aime les choses nettement définies. Mais pourquoi ? Qu'as-tu besoin du divorce, si l'amour existe ? Toujours l'amour, pensa Vronsky avec une grimace. « Mais tu sais bien que si je le souhaite, c'est à cause de toi et des enfants. »« Il n'y aura plus d'enfants. »« Tant pis, je le regrette. »« Tu ne penses qu'aux enfants et pas à moi, » dit-elle, oubliant qu'il venait de dire « à cause de toi et des enfants. » »« Et mécontente de ce désir d'avoir des enfants comme une preuve d'indifférence pour sa beauté. »« Au contraire !» Je pense à toi, car je suis persuadé que ton irritabilité tient principalement à la fausseté de ta position, répondit-il d'un ton froid et contrarié. Je ne comprends pas que ma situation puisse être cause de mon irritabilité, dit-elle, voyant un juge terrible la condamner par les yeux de Vronsky. Cette situation me paraît parfaitement claire. Ne suis-je pas absolument en ton pouvoir ? Oui, mais tu te méfies de ma liberté. Oh, quant à cela, tu peux être tranquille, fit-elle se versant du café, et remarquant combien ses gestes et jusqu'à sa façon d'avaler donnaient sur les nerfs de Vronsky. Je me préoccupe peu des projets de mariage de ta mère. Nous ne parlons pas d'elle, si fait. Et tu peux m'en croire, une femme sans cœur, qu'elle soit jeune ou vieille, ne m'intéresse guère. Anna, je te prie de respecter ma mère. Une femme qui ne comprend pas en quoi l'on consiste l'honneur pour son fils n'a pas de cœur. Je te réitère la prière de ne pas parler de ma mère d'une façon irrespectueuse. Répéta le comte, élevant la voix et regardant Anna sévèrement. Elle supporta ce regard sans lui répondre, et se rappelant ses caresses de la veille, « Quelle caresse banale » pensa-t-elle. « Tu n'aimes pas ta mère, ce sont des phrases et encore des phrases. »« Ah, si c'est ainsi, il faut prendre un parti. » « Et quant à moi, je sais ce qu'il me reste à faire, » dit-elle, en disposant à quitter la chambre, lorsque la porte s'ouvrit et livra passage à Yavchin. Elle arrêta aussitôt et lui souhaita le bonjour. « Mais pourquoi dissimulait-elle ainsi devant un étranger qui tôt ou tard devait tout apprendre ? c'est ce qu'elle aurait pu s'expliquer. Mais elle se rassit et demanda tranquillement « Vous a-t-on payé votre argent ?» Elle savait que Yashin venait de gagner au jeu une grosse somme. « Oh, je le recevrai probablement dans la journée, » répondit le géant, remarquant qu'il était entré mal à propos. « Quand partez-vous »« Après-demain, je pense, » dit Vronsky. « N'avez-vous jamais pitié de vos malheureux adversaires ?» continua Anna, s'adressant toujours aux joueurs. « Oh, c'est une question que je ne me suis pas posée, Anna Arkadievna. Ma fortune tout entière est là, » fit-il, montrant sa poche. « Mais, riche en ce moment, je puis être pauvre en sortant du club ce soir. Celui qui joue avec moi me gagnerait volontiers jusqu'à ma chemise. C'est cette lutte qui fait le plaisir. » « Mais si vous étiez marié, qu'en dirait votre femme ?»« Oh, aussi bien, je ne compte pas me marier, » répondit Yashin en riant. « Et vous n'avez jamais été amoureux ?»« Oh, Seigneur, combien de fois ! Mais toujours de façon à ne pas manquer ma partie. » Un amateur de chevaux venant pour affaire entra sur ses entrefaites et Anna quitta la salle à manger. Avant de sortir, Vronsky passa chez elle et chercha quelque chose sur la table. Elle feignit de ne pas l'apercevoir, mais honteuse de cette dissimulation, « Que vous faut-il ? » lui demanda-t-elle en français. « Le certificat d'origine du cheval que je viens de vendre, » répondit Vronsky d'un ton qui signifiait plus clairement que des paroles, « Je n'ai pas le temps d'entamer des explications qui ne mèneraient à rien. » Bon, « je ne suis pas coupable, » pensait-il. « Tant pis pour elle, si elle veut se punir. » Il crut cependant, en quittant la chambre, qu'elle l'appelait. « Qu'y a-t-il, Anna ?» demanda-t-il. « Rien, » répondit celle-ci froidement. « Tant pis, » se dit-il encore. En passant devant une glace, il aperçut un visage si décomposé que l'idée de s'arrêter pour consoler Anna lui vint... mais trop tard, il était déjà loin. Sa journée se passa tout entière hors de la maison, et lorsqu'il rentra, la femme de chambre lui apprit que Anna Arkadievna avait la migraine et priait qu'on ne la dérangeât pas. Jamais encore une journée ne s'était écoulée sans amener une réconciliation, et cette fois... leur querelle avait ressemblé à une rupture. Pour s'éloigner comme Vronsky l'avait fait, malgré l'état de désespoir auquel il l'avait vue réduite, c'est qu'il la haïssait et qu'il en aimait une autre. Les mots cruels sortis de la bouche du comte revenaient tous à la mémoire d'Anna et dans son imagination s'aggravaient de propos grossiers dont il était incapable. « Je ne vous retiens pas, » lui faisait-elle dire. « Vous pouvez partir, puisque vous ne teniez pas au divorce, c'est que vous comptiez retourner chez votre mari. S'il vous faut de l'argent, vous n'avez qu'à déclarer la somme. » Mais hier encore, il me jurait qu'il n'aimait que moi. « C'est un homme honnête et sincère, » se disait-elle le moment d'après. Ne me suis déjà pas désespérée, inutilement bien des fois. Elle passa toute la journée, sauf une visite de 2 heures qu'elle fit à la famille de sa protégée, en alternative de doute et d'espérance. Lasse d'attendre toute la soirée, elle finit par rentrer dans sa chambre, en recommandant à Annushka de la dire souffrante. « S'il vient, malgré tout, c'est qu'il m'aime encore. Sinon, c'est fini. » Et je sais ce qu'il me reste à faire. » Elle entendit le roulement de la calèche sur le pavé quand le comte rentra, son coup de sonnette et son colloque avec Annushka. Puis ses pas s'éloignèrent. Il rentra dans son cabinet et Anna comprit que le sort en était jeté. La mort lui apparut alors comme l'unique moyen de punir Vronsky, de triompher de lui et de reconquérir son amour. Le départ, le divorce devenaient choses indifférentes. L'essentiel était le châtiment. Elle prit sa fiole d'opium et versa la dose accoutumée dans un verre. En avalant le tout, il était si facile d'en finir. Couchée, les yeux ouverts, elle suivit sur le plafond l'ombre de la bougie qui achevait de brûler dans un bougeoir, et dont la lumière tremblante se confondait par moments avec l'ombre du paravent qui divisait la chambre. Que penserait-il quand elle aurait disparu? Que de remords il éprouverait! Comment ai-je pu lui parler durement, se dirait-il, la quitter sans une parole d'affection, et elle n'est plus, et nous a quittés pour jamais. Tout à coup, l'ombre du paravent sembla chanceler et gagner tout le plafond. Les autres ombres se rejoignirent, vacillèrent et se confondirent dans une obscurité complète. La mort, pensa-t-elle avec effroi, et une terreur si profonde s'empara de tout son être que, cherchant des allumettes d'une main tremblante, elle resta quelque temps à rassembler ses idées sans savoir où elle se trouvait. Des larmes de joie lui inondèrent le visage lorsqu'elle comprit qu'elle vivait encore. « Non, non, tout plutôt que la mort, je l'aime, il m'aime aussi, ces mauvais jours passeront. » Et pour échapper à ses frayeurs, elle prit la bougie et se sauva dans le cabinet de Vronsky. Il y dormait d'un paisible sommeil qu'elle contempla longuement en pleurant d'attendrissement. Mais elle se garda bien de le réveiller. Il l'aurait regardé de son air glacial, et elle-même n'eût pas résisté au besoin de se justifier et de l'accuser. Elle rentra donc dans sa chambre, prit une double dose d'opium et s'endormit d'un sommeil pesant qui ne lui ôta pas le sentiment de ses souffrances. Vers le matin, elle eut un cauchemar affreux. Comme autrefois, elle vit un petit moujik ébouriffé prononcer d'inintelligibles paroles en remuant quelque chose. Et ce quelque chose lui sembla d'autant plus terrifiant que l'homme l'agitait au-dessus de sa tête à elle sans avoir l'air de la remarquer. Une sueur froide l'inonda. À son réveil, les événements de la veille lui revinrent confusément à l'esprit. Mais que s'est-il passé de si désespéré, pensa-t-elle. Une querelle? Ce n'est pas la première. Ah, j'ai prétexté une migraine, et il n'a pas voulu me déranger, voilà tout. Demain nous partons. Il faut le voir, lui parler et hâter le départ. Aussitôt levée, elle se dirigea vers le cabinet de Vronsky. Mais en traversant le salon, le bruit d'une voiture s'arrêtant à la porte attira son attention et la fit regarder par la fenêtre. C'était un coupé. Une jeune fille en chapeau clair, penchée à la portière, donnait des ordres à un valet de pied. Celui-ci sonna, on parla dans le vestibule, puis quelqu'un monta, et Anna entendit Vronsky descendre l'escalier en courant. Elle le vit sortir tête nue sur le perron, s'approcher de la voiture, prendre un paquet des mains de la jeune fille et sourire en lui parlant. Le coupé s'éloigna et Vronsky remonta vivement. Cette petite scène dissipa soudain l'espèce d'engourdissement qui pesait sur l'âme d'Anna, et les impressions de la veille lui déchirèrent le cœur plus douloureusement que jamais. Comment avait-elle pu s'abaisser au point de rester un jour de plus sous ce toit? Elle entra dans le cabinet du comte pour lui déclarer la résolution qu'elle avait prise. « Oh, la princesse Sarokine et sa fille m'ont apporté l'argent et les papiers de ma mère que je n'avais pu obtenir hier, » dit celui-ci tranquillement, sans avoir l'air de remarquer l'expression sombre et tragique de la physionomie d'Anna. « Comment te sens-tu ce matin ? » Debout au milieu de la chambre, elle le regarda fixement, tandis qu'il continuait à lire sa lettre, le front plissé, après avoir jeté les yeux sur elle. Anna, sans parler, tourna lentement sur elle-même et sortit de la chambre. Il pouvait encore la retenir, mais il la laissa dépasser le seuil de la porte. « À propos !» s'écria-t-il au moment où elle allait disparaître. « C'est bien décidément demain que nous partons !»« Vous, mais non pas moi !» répondit-elle. « Anna, la vie dans ces conditions est impossible !»« Vous, pas moi !» répéta-t-elle encore. « Cela n'est plus tolérable !»« Vous, vous en repentirez, » dit-elle. Et elle sortit. Effrayée du ton désespéré dont elle avait prononcé ces derniers mots, le premier mouvement de Vronsky fut de la suivre. Mais il réfléchit, se rassit, et irrité de cette menace inconvenante, murmura en serrant les dents. Bon, j'ai essayé de tous les moyens, il ne me reste que l'indifférence. Et il s'habilla afin de se rendre chez sa mère pour lui faire signer une procuration. Anna l'entendit quitter son cabinet et la salle à manger, s'arrêter dans l'antichambre pour y donner quelques ordres relatifs au cheval qu'il venait de vendre. Elle entendit avancer la calèche et ouvrir la porte d'entrée. Quelqu'un remonta précipitamment l'escalier. Elle courut à la fenêtre et vit Vronsky prendre des mains de son valet de chambre une paire de gants oubliés, puis toucher le dos du cocher, lui dire quelques mots, et sans lever les yeux vers la fenêtre, se renverser dans sa pose habituelle au fond de la calèche, en croisant une jambe sur l'autre. Au tournant de la rue, il disparut aux yeux d'Anna. « Il est parti, c'est fini, » se dit-elle debout à la fenêtre. Et l'impression d'horreur causée la nuit par son cauchemar et par la bougie qui s'éteignait l'envahit tout entière. Elle eut peur de rester seule, sonna et courut au devant du domestique. « Informez-vous de l'endroit où le comte s'est fait conduire. »« Aux écuries, » répondit le valet. Et l'ordre a été donné de prévenir madame que la calèche allait rentrer et serait à sa disposition. C'est bon, je vais écrire un mot que vous porterez immédiatement aux écuries. Elle s'assit et écrivit. Je suis coupable, mais au nom de Dieu, reviens, nous nous expliquerons, j'ai peur. Elle cacheta, remit le billet au domestique, et dans sa crainte de rester seule, se rendit chez sa petite fille. Je ne la reconnais plus. Où sont ses yeux bleus et son joli sourire timide? Pensa-t-elle, apercevant la belle enfant aux yeux noirs, au lieu de Serge, que dans la confusion de ses idées, elle s'attendait à voir. La petite, assise près d'une table, y tapait à tort et à travers avec un bouchon. Elle regarda sa mère qui se plaça auprès d'elle et lui prit le bouchon des mains pour le faire tourner. Le mouvement des sourcils, le rire sonore de l'enfant, rappelait si vivement Vronsky qu'Anna n'y put tenir. Elle se leva brusquement et se sauva. « Est-il possible que tout soit fini? Il reviendra, » pensa-t-elle. « Mais comment m'expliquera-t-il son animation, son sourire en lui parlant ?» J'accepterai tout, sinon je ne vois qu'un remède et je n'en veux pas. 12 minutes s'étaient écoulées. Bon, oui, il a reçu ma lettre et va revenir dans 10 minutes. Et s'il ne revenait pas? Oh, c'est impossible, il ne doit pas me trouver. Avec des yeux rouges, je vais me baigner la figure. Et ma coiffure? Elle porta les mains à sa tête, elle s'était coiffée sans en avoir conscience. Qui est-ce? Se demanda-t-elle en apercevant dans une glace son visage défait et ses yeux étrangement brillants. C'est moi? Et elle crut encore sentir sur ses épaules les récents baisers de son amant. Elle frissonna et porta une de ses mains à ses lèvres. Mais deviendrais-je folle? Pensa-t-elle avec effroi. Et elle se sauva dans la chambre où Anouchka rangeait sa toilette. Anouchka, fit-elle, ne sachant que dire. Vous voulez aller chez Daria Alexandrovna? Dit la femme de chambre pour lui suggérer une idée. Pour 15 minutes pour aller, 15 pour revenir, il va être ici. Elle regarda sa montre. Mais comment a-t-il pu me quitter ainsi? Elle s'approcha de la fenêtre, peut-être avait-elle fait une erreur de calcul, elle se remit à compter les minutes depuis son départ. Au moment où elle voulait consulter la pendule du salon, un équipage s'arrêta devant la porte. C'était la calèche, mais personne ne montait l'escalier, et elle entendit des voix dans le vestibule. Monsieur le comte était déjà parti pour la gare de Nijni, vint-on lui apprendre en lui remettant son billet. On comporte immédiatement cette lettre au comte à la campagne de sa mère et qu'on me rapporte aussitôt la réponse. Mais que deviendrai-je en attendant? Oh, j'irai chez Dolly pour ne pas devenir folle. Ah, ben je puis encore télégraphier. Et elle écrivit la dépêche suivante. « J'ai absolument besoin de vous parler, revenez vite. » Elle vint ensuite s'habiller, et le chapeau sur la tête, s'arrêta devant Anouchka, dont les petits yeux gris témoignaient une vive sympathie. « Anouchka, ma chère, que devenir ? » murmura-t-elle, en se laissant tomber sur un fauteuil avec un sanglot. « Il faut pas vous ajouter ainsi, Anna Arkadievna. » « Faites un tour de promenade, cela vous distraira. Ces choses-là arrivent. »« Oui, je vais sortir. Mais si en mon absence, on apportait une dépêche, tu l'enverrais chez Doria Alexandrovna, » dit-elle, cherchant à se maîtriser, « ou plutôt non, je rentrerai. »« Je dois m'abstenir de toute réflexion, m'occuper, sortir. » Quitter cette maison, surtout, pensa-t-elle, écoutant avec frayeur les battements précipités de son cœur. Et elle monta vivement en calèche. « Chez la princesse Oblonsky, » dit-elle au cocher. Le temps était clair, une pluie fine tombée dans la matinée faisait encore étinceler au soleil de mai les toits des maisons, les dalles des trottoirs, et les cuirs des équipages. Il était 3 heures, le moment le plus animé de la journée. Anna, doucement bercée par la calèche qu'entraînaient rapidement 2 trotteurs gris, jugea différemment sa situation en repassant au grand air les événements des derniers jours. L'idée de la mort ne l'épouvanta plus autant, et en même temps elle ne lui parut plus aussi inévitable. Ce qu'elle se reprocha fut l'humiliation à laquelle elle s'était abaissée. Mais pourquoi m'accuser comme je l'ai fait? Ne puis-je donc vivre sans lui? Et laissant cette question sans réponse, elle se mit à lire machinalement les enseignes, comptoirs et dépôts, dentistes. Oui, je vais me confesser à Dolly. Elle n'aime pas Vronsky. Ce sera dur de tout avouer, mais je le ferai. Elle-même, je suivrai son conseil. Moi, je ne me laisserai pas traiter comme une enfant. Filipov de Kalachi, oh, dit qu'il en envoie la panne jusqu'à Pétersbourg. L'eau de Moscou est tellement meilleure. Les puits de Miatichi. Et elle se souvint d'avoir passé dans cette localité en se rendant autrefois au couvent de Tritsa en pèlerinage avec sa tante. Oh, on y allait en voiture dans ce temps-là. Était-ce vraiment moi, avec des mains rouges? Que de choses qui me paraissaient alors des rêves du bonheur irréalisable me semblent misérables aujourd'hui. Et des siècles ne sauraient me ramener à l'innocence d'alors. Qui m'eût dit l'abaissement dans lequel je tomberais? mon billet l'aura fait triompher. Penses-tu que cette peinture sent mauvais? Et pourquoi y trouve-t-on toujours le besoin de bâtir et de peindre? Modes et robes. Un passant la salua, c'était le mari d'Annouchka. Nos parasites, comme dit Vronsky. Et pourquoi les nôtres? Ah, si on pouvait arracher le passé avec ses racines. Mais c'est impossible, tout au plus peut-on feindre d'oublier. Et cependant, en se rappelant son passé avec Alexis Alexandrovitch, elle constata qu'elle en avait aisément perdu le souvenir. Dolly me donnera tort, puisque c'est le second que je quitte. Ai-je la prétention d'avoir raison? Et elle sentit les larmes la gagner. Mais de quoi ces jeunes filles peuvent-elles parler en souriant d'amour? Elles ne savent pas combien c'est triste et misérable. Le boulevard et des enfants. Trois petits garçons jouent au cerceau. Serge, mon petit Serge, je perdrai tout ce que je ne te retrouverai pas. Bon, s'il ne revient pas, tout est bien perdu. Peut-être aura-t-il manqué le train et le retrouverai-je à la maison. Tu as besoin de t'humilier encore? Se dit-elle avec un reproche pour sa faiblesse. Non, je vais entrer chez Dolly. Je lui dirai, je suis malheureux, je souffre, je l'ai mérité, mais viens-moi en aide. Oh, ces chevaux, cette calèche qui lui appartiennent, je me fais horreur de m'en servir. Bientôt je ne les reverrai plus. Et tout en se torturant ainsi le cœur, elle arriva chez Dolly et monta l'escalier. « Y a-t-il du monde ?» demanda-t-elle dans l'antichambre. « Catherine Alexandrovna Lévine, » répondit le domestique. « Kitty, cette Kitty dont Vronsky était amoureux, » pensa Anna, « qu'il regrette de ne pas avoir épousée, tandis qu'il déplore le jour où il m'a rencontrée. » Les deux sœurs étaient en conférence au sujet du nourrisson de Kitty lorsqu'on leur annonça Anna. Dolly seule vint la recevoir au salon. Oh, tu ne pars pas encore, je voulais précisément passer chez toi aujourd'hui. J'ai une lettre de Stiva. Nous avons reçu une dépêche, répondit Anna, se retournant pour voir si Kitty venait. Il écrit qu'il ne comprend rien à ce qu'Alexis Alexandrovitch exige, mais qu'il ne partira pas sans obtenir une réponse définitive. Tu as du monde? « Oui, Kitty, » répondit Dolly troublée, « elle est dans la chambre des enfants. Tu sais qu'elle relève de maladie. »« Oui, je le sais. Peux-tu me montrer la lettre de Stiva ?»« Oh, certainement, je vais te la chercher. »« Alexis Alexandrovitch ne refuse pas, au contraire. Stiva a bon espoir, » dit Dolly, s'arrêtant sur le seuil de la porte. « Je n'espère et ne désire rien. Kitty croirait-elle au-dessous de sa dignité de me rencontrer ?» pensa Anna, restée seule. « Elle a peut-être raison. Mais elle qui a été éprise de Vronsky n'a pas le droit de me faire la leçon. Je sais bien qu'une femme honnête ne peut me recevoir. Je lui ai tout sacrifié. Et voilà ma récompense. » « Ah, que je te hais! Mais pourquoi suis-je venu ici? Je suis plus mal encore que chez moi. » Elle entendit les voix des deux sœurs dans la pièce voisine. « Et que vais-je dire à Dolly? Réjouir Kitty du spectacle de mon malheur? D'ailleurs, Dolly ne comprendra rien. Si je tiens à voir Kitty, c'est pour lui prouver que je suis insensible à tout, que je méprise tout. » Dolly rentra avec la lettre. Anna la parcourut et la lui rendit. « Je savais cela, dit-elle, et ne m'en soucie plus. »« Pourquoi? J'ai bon espoir ?» fit Dolly en examinant Anna avec attention. « Jamais elle ne l'avait vu dans une semblable disposition d'esprit. « Quel jour pars-tu ?» Anna ferma les yeux à demi et regarda devant elle sans répondre. Kitty a-t-elle peur de moi ? Demanda-t-elle au bout d'un moment en jetant un coup d'œil vers la porte. Quelle idée ! Mais elle nous rit et ne s'en tire pas encore très bien. Elle est enchantée au contraire et va venir, répondit Dolly, qui se sentait gênée de faire un mensonge. Tiens, la voilà. Kitty n'avait effectivement pas voulu paraître en apprenant l'arrivée d'Anna. Dolly était cependant parvenue à la raisonner et, faisant effort sur elle-même, la jeune femme entra au salon et, en rougissant, s'approcha d'Anna pour lui tendre la main. « Je suis charmée, » fit-elle d'une voix émue. Et toutes ses préventions contre cette méchante femme tombèrent à la vue du beau visage sympathique d'Anna. « Oh, j'aurais trouvé naturel de votre refus de me voir, » dit Anna. « Je suis faite à tout. Vous avez été malade, me dit-on. Je vous trouvais effectivement changée. » Kitty attribua le ton sec d'Anna à la gêne que lui causait la fausseté de sa situation, et le cœur de la jeune femme se serra de compassion. Elles causèrent de la maladie de Kitty, de son enfant, de Stiva, mais l'esprit d'Anna était visiblement absent. « Je suis venue te faire mes adieux, » dit-elle à Dolly en se levant. « Quand pars-tu ?» Sans lui répondre, Anna se tourna vers Kitty avec un sourire. « Je suis bien aise de vous avoir revue. J'ai tant entendu parler de vous, même par votre mari. Vous savez qu'il est venu me voir. Il m'a beaucoup plu, » ajouta-t-elle avec une attention mauvaise. « Où est-il ?» « À la campagne, » répondit Kitty en rougissant. « Faites-lui bien mes amitiés, n'y manquez pas. »« Bon, je les ferai certainement, » dit naïvement Kitty, avec un regard de compassion. « Adieu, Dolly, » fit Anna en embrassant celle-ci. « Elle est toujours aussi séduisante que par le passé, » fit remarquer Kitty à sa sœur, quand celle-ci rentra après avoir reconduit Anna jusqu'à la porte. « Et comme elle est belle !»« Mais il y a en elle quelque chose d'étrange qui fait peine, beaucoup de peine. »« Je ne la trouve pas aujourd'hui dans son état normal, » dit Dolly. « J'ai cru qu'elle allait fondre en larmes dans l'antichambre. » Remontée dans sa calèche, Anna se sentit plus malheureuse que jamais. Son entrevue avec Kitty réveillait douloureusement en elle le sentiment de sa déchéance morale, et cette souffrance vint s'ajouter aux autres. Sans trop savoir ce qu'elle disait, elle donna au cocher l'ordre de la ramener chez elle. Elles m'ont regardé comme un être étrange et incompréhensible. Mais que peuvent se dire ces gens-là ? Ont-ils la prétention de se communiquer ce qu'ils éprouvent ? Pensa-t-elle en voyant deux passants causer ensemble. On ne peut partager avec un autre ce qu'on ressent. Et moi, qui voulais me confesser à Dolly ? J'ai eu raison de me taire. Mon malheur l'aurait réjoui, au fond, bien qu'elle l'eût dissimulé. Elle trouverait juste de m'avoir expié ce bonheur qu'elle m'a convié. Et Kitty, oh, cela eût été plus contente encore, car je lis dans son cœur, elle me hait, parce que j'ai plu à son mari. À ses yeux, je suis une femme sans mœurs, qu'elle méprise. Ah, si j'avais été ce qu'elle pense, avec quelle facilité j'aurais tourné la tête à son mari. La pensée m'en est venue, j'en conviens. Ah, voilà un homme enchanté de sa personne, se dit-elle à l'aspect d'un gros monsieur au teint fleuri venant à sa rencontre et la saluant d'un air gracieux pour s'apercevoir qu'il ne la connaissait pas. Il me connaît autant que le reste du monde. Et puis-je me vanter de me connaître moi-même? Je ne connais que mes appétits, comme disent les Français. Oh, ces gamins convoitent de mauvaises glaces, dit-elle à la vue de deux enfants arrêtés devant un marchand qui déposait à terre un seau à glace et s'essuyait la figure du coin d'un torchon. Tous nous aimons les friandises et, faute de bonbons, on désire de méchantes glaces. Comme Kitty, qui ne pouvant épouser Vronsky, s'est contentée de Lévin. Elle me déteste et me jalouse. De mon côté, je lui porte envie. Ainsi va le monde. Un Fütkin coiffeur. Je me fais coiffer par Fütkin. Je le ferai rire avec ses bêtises, pensa-t-elle, pour se rappeler aussitôt qu'elle n'avait plus personne à faire rire. On sonne les vêpres. Ce marchand fait des signes de croix, avec une telle hâte qu'on dirait qu'il a peur de les perdre. Pourquoi ces églises, ces cloches, ces mensonges? Pour dissimuler que nous nous haïssons tous, comme ces ivoschites qui s'injurient. Yachin a raison de dire, il en veut à ma chemise, moi à la sienne. Entraînée par ses pensées, elle oublia un moment sa douleur et fut surprise quand la calèche s'arrêta. Le Suisse, en venant au devant d'elle, la fit rentrer dans la réalité. Y a-t-il une réponse? Je vais m'en informer, dit le Suisse, et il revint un moment après avec une enveloppe de télégramme. Anna lut « Je ne puis rentrer avant 10 heures, Vronsky. » Et le messager, il n'est pas encore de retour. Un besoin vague de vengeance s'éleva dans l'âme d'Anna et elle monta l'escalier en courant. « J'irai moi-même le retrouver, pensa-t-elle, avant de partir pour toujours. Je lui dirai son fait. Jamais je n'ai haï personne autant que cet homme. » Et apercevant un chapeau de Vronsky dans l'antichambre, elle frissonna avec aversion. Elle ne réfléchissait pas que la dépêche lui était une réponse à la sienne, et non au message envoyé par un express que Vronsky ne pouvait encore avoir reçu. « Il est chez sa mère, pensa-t-elle, causant gaiement, sans nul souci des souffrances qu'il inflige. » Et voulant fuir les horribles pensées qui l'envahissaient dans cette maison, dont les murs l'écrasaient de leur terrible poids, « Il faut partir bien vite, » se dit-elle, sans savoir où elle devait aller, « prendre le chemin de fer, le poursuivre, l'humilier. » Consultant l'indicateur, elle y lut que le train du soir partait à 8h02. « J'y arriverai à temps. » Et faisant atteler les chevaux frais à la calèche, elle se hâta de mettre dans un petit sac de voyage les objets indispensables à une absence de quelques jours. Décidée à ne pas rentrer, elle roulait 1000 projets dans sa tête et résolue, après la scène qui se passerait à la gare ou chez la comtesse, de continuer sa route par le chemin de fer de Nijni pour s'arrêter dans la première ville venue. Le dîner était servi, mais la nourriture lui fit horreur. Elle remonta dans la calèche aussitôt que le cocher eut attelé, irritée de voir les domestiques s'agiter autour d'elle. « Je n'ai pas besoin de toi, Pierre, » dit-elle au valet de pied qui se disposait à l'accompagner. « Qui prendra le billet ?»« Eh bien, viens, si tu veux, cela m'est égal, » répondit-elle contrariée. Pierre sauta sur le siège et donna l'ordre au cocher d'aller à la gare de Nijni. « Voilà mes idées qui s'éclaircissent, » se dit Anna lorsqu'elle se retrouva en calèche, roulant sur le pavé inégal. « À quoi ai-je pensé en dernier lieu ? Ah oui, aux réflexions d'Yashin sur la lutte pour la vie et sur la haine qui seule unit les hommes. « Qu'allez-vous chercher en guise de plaisir ? » pensa-t-elle, interpellant mentalement une joyeuse société installée dans une voiture à 4 chevaux et allant évidemment s'amuser à la campagne. Vous ne vous échapperez pas à vous-même. Et voyant à quelques pas de là un ouvrier ivre emmené par un garde de police, ceci ferait mieux l'affaire. Nous en avons ainsi essayé, du plaisir, le Count Vronsky et moi, et nous nous sommes trouvés bien au-dessous des joies suprêmes auxquelles nous aspirions. Et pour la première fois, Anna dirigea sur ses relations avec le comte cette lumière éclatante qui tout à coup lui révélait la vie. Qu'a-t-il cherché en moi? Les satisfactions de la vanité plutôt que celles de l'amour. Et les paroles de Vronsky, l'expression de chien soumis que prenait son visage au premier temps de leur liaison, lui revenaient en mémoire pour confirmer cette pensée. Il cherchait par-dessus tout le triomphe du succès. Il m'aimait, mais principalement par vanité. Maintenant qu'il n'est plus fier de moi, c'est fini. M'ayant pris tout ce qu'il pouvait me prendre et ne trouvant plus de quoi se vanter, je lui pèse, et il n'est préoccupé que de ne pas manquer extérieurement d'égards envers moi. S'il veut le divorce, c'est dans ce but. Il m'aime peut-être encore, mais comment? The zest is gone. Au fond du cœur, il sera soulagé d'être délivré de ma présence. Tandis que mon amour devient de jour en jour plus égoïstement passionné, le sien s'éteint peu à peu. C'est pourquoi nous n'allons plus ensemble. J'ai besoin de l'attirer à moi, et lui, de me fuir. Jusqu'au moment de notre liaison, nous allions l'un au-devant de l'autre. Maintenant, c'est en sens inverse que nous marchons. Il m'accuse d'être ridiculement jalouse. Je m'en accuse aussi. Mais la vérité, c'est que mon amour ne se sent plus satisfait. Dans le trouble qui la possédait, Anna changea de place dans la calèche, remuant involontairement les lèvres comme si elle allait parler. Oh, si je pouvais! Mais je chercherais à lui être une amie raisonnable et non une maîtresse passionnée que sa froideur exaspère. Mais je ne puis me transformer. Il ne me trompe pas, j'en suis certaine. Il n'est pas plus amoureux de Kitty que de la princesse Sarokin. Mais qu'est-ce que cela me fait? Du moment que mon amour le fatigue, qu'il n'éprouve plus pour moi ce que j'éprouve pour lui, que me font ces bons procédés? Je préférerais presque sa haine. Là où cesse l'amour, commence le dégoût. Et cet enfer, je le subis. Qu'est-ce que ce quartier inconnu? Des montagnes, des maisons, toujours des maisons, habitées par des gens qui se haïssent les uns les autres. Que pourrait-il m'arriver qui me donnerait encore du bonheur? Supposons qu'Alexis Alexandrovitch consente au divorce, qu'il me rende Serge, que j'épouse Vronsky. Et en songeant à Karénine, Anna le vit devant elle, avec son regard éteint, ses mains veinées de bleu, ses phalanges qui craquaient, et l'idée de leur rapport, jadis qualifié de tendre, la fit tressaillir d'horreur. Admettons que je sois marié. Kitty me respectera-t-elle pour cela? Serge ne se demandera-t-il pas pourquoi j'ai 2 maris? Vronsky changera-t-il pour moi? Peut-il encore s'établir entre lui et moi des relations qui me donnent, je ne dis pas du bonheur, mais des sensations qui ne soient pas une torture? Non, se répondit-elle sans hésiter, la scission entre nous est trop profonde. Je fais son malheur, il fait le mien. Nous n'y changerons plus rien. Et pourquoi cette mendiante avec son enfant s'imagine-t-elle inspirer la pitié? Ne sommes-nous pas tous jetés sur cette terre pour souffrir les uns par les autres? Les écoliers qui rentrent du gymnase, Mon petit Serge, lui aussi j'ai cru l'aimer. Mon affection pour lui m'attendrissait moi-même. J'ai pourtant vécu sans lui, échangeant son amour contre celui d'un autre. Et tant que cette passion pour l'autre a été satisfaite, je ne me suis pas plainte de l'échange. Elle était presque contente d'analyser ses sentiments avec cette implacable clarté. Nous en sommes tous là, moi, Pierre, le cocher, tous ces marchands, les gens qui vivent au bord de la Volga, et qu'on attire par ces annonces collées au mur, partout, toujours. « Faut-il prendre le billet pour Obilalovka ?» demanda Pierre en approchant de la gare. Elle eut peine à comprendre cette question. Ses pensées étaient d'ailleurs, et elle avait oublié ce qu'elle venait faire. « Oui, » répondit-elle enfin, lui tendant sa bourse et descendant de calèche son petit sac rouge à la main. Les détails de sa situation lui revinrent à la mémoire pendant qu'elle traversait la foule pour se rendre à la salle d'attente. Assise sur un grand divan circulaire en attendant le train, elle repassa dans sa pensée les diverses résolutions auxquelles elle pouvait se fixer. Puis elle se représenta le moment où elle arriverait à la station, le billet qu'elle écrirait à Vronsky, ce qu'elle lui dirait en entrant dans le salon de la vieille comtesse, ou peut-être en ce moment il se plaignait des amertumes de sa vie. L'idée qu'elle aurait encore pu vivre heureuse traversa son cerveau. Combien il était dur d'aimer et de haïr tout à la fois. Combien surtout son pauvre cœur battait à se rompre. Un coup de sonnette retentit. Quelques jeunes gens bruyants et d'apparence vulgaire passèrent devant elle. Pierre traversa la salle, s'approcha pour l'escarter jusqu'au wagon. Les hommes groupés près de la porte firent silence en la voyant passer. L'un d'eux murmura quelques mots à son voisin. Ce devait être une grossièreté. Anna prit place dans un wagon de première et déposa son sac sur le siège de draguerie fané. Pierre souleva son chapeau galonné avec un sourire idiot en signe d'adieu et s'éloigna. Le conducteur ferma la portière. Une dame ridiculement attifée et qu'Anna déshabilla en imagination pour s'épouvanter de sa laideur, courait le long du quai suivi d'une petite fille riant avec affectation. Bon, cet enfant est grotesque et déjà prétentieuse, pensa Anna, et pour ne voir personne, elle s'assit du côté opposé de la voiture. Un petit moujik sale en casquette, d'où s'échappaient des touffes de cheveux ébouriffés, passa près de la fenêtre, se penchant au-dessus de la voie. Cette figure ne m'est pas inconnue, pensa Anna. Et tout à coup, elle se rappela son cauchemar et recula avec épouvante vers la porte du wagon que le conducteur ouvrait pour faire entrer un monsieur et une dame. Vous désirez sortir ? Anna ne répondit pas et personne ne put remarquer sous son voile la terreur qui la glaçait. Elle se rassit. Le couple prit place en face d'eux, examinant discrètement, quoique avec curiosité, les détails de sa toilette. Le mari demanda la permission de fumer, et, l'ayant obtenue, fit remarquer à sa femme en français qu'il éprouvait encore plus le besoin de parler que celui de fumer. Ils échangeaient tous deux des observations stupides dans le but d'attirer l'attention d'Anna et de lier conversation avec elle. Ces gens-là devaient se détester. D'aussi tristes monstres pouvaient-ils s'aimer? Le bruit, les cris, les rires qui succédèrent au second coup de sonnette donnèrent à Anna l'envie de se boucher les oreilles. Qu'est-ce qui pouvait bien faire rire? Après le troisième signal, la locomotive siffla, le train s'ébranla, Et le monsieur fit un signe de croix. Que peut-il entendre par là? Pensa Anna, détournant les yeux d'un air furieux, pour regarder par-dessus la tête de la dame les wagons et les murs de la gare qui passaient devant la fenêtre. Le mouvement devint plus rapide, les rayons du soleil couchant parvinrent jusqu'à la voiture, et une légère brise se joua dans les stores. Anna, oubliant ses voisins, respira l'air frais et reprit le cours de ses réflexions. À quoi pensais-je ? Est-ce que ma vie, de quelque façon que je me la représente, ne peut être que douleur? Nous sommes tous voués à la souffrance, et ne cherchons que le moyen de nous le dissimuler. Mais lorsque la vérité nous crève les yeux, la raison a été donnée à l'homme pour repousser ce qui le gêne, dit la dame en français, enchantée de sa phrase. Ces paroles répondait à la pensée d'Anna. « Repousser ce qui le gêne » répéta-t-elle. Et un coup d'œil jeté sur l'homme et sa maigre moitié lui fit comprendre que celle-ci devait se considérer comme une créature incomprise et que son gros mari ne l'en dissuadait pas et en profitait pour la tromper. Anna plongeait dans les replis les plus intimes de leur cœur. « Bof !» Cela manquait d'intérêt, et elle continua à réfléchir. Elle suivit la foule en arrivant à la station, cherchant à éviter le grossier contact de ce monde bruyant, et s'attardant sur le quai pour se demander ce qu'elle allait faire. Tout lui paraissait maintenant d'une exécution difficile. Poussée, heurtée, curieusement observée, elle ne savait où se réfugier. Enfin, elle eut l'idée d'arrêter un employé pour lui demander si le cocher du comte Vronsky n'était pas à la station avec un message. « Oh, le comte Vronsky ! Oh, tout à l'heure, on est venu chercher la princesse Sarokine et sa fille. Comment est-il, ce cocher ?» Au même moment, Anna vit s'avancer vers elle son envoyé, le cocher Michel, un beau cafetan neuf, portant un billet avec importance et fier d'avoir rempli sa mission. Anna brisa le cachet et son cœur se serra en lisant « Je regrette que votre billet ne m'ait pas trouvé à Moscou. Je rentrerai à 10 heures. Vronsky. » C'est cela. Je m'y attendais, dit-elle avec un sourire sardonique. « Tu peux t'en retourner à la maison, » dit-elle en s'adressant au jeune cocher. Elle prononça ces mots lentement et doucement. Son cœur battait à rompre et l'empêchait de parler. « Non, je ne te permettrai plus de me faire ainsi souffrir, » pensa-t-elle, s'adressant avec menace à celui qui la torturait. Et elle continua à longer le quai. « Mais vous fuir, mon Dieu !» se dit-elle en se voyant examinée par des personnes que sa toilette et sa beauté intriguaient. Le chef de gare lui demanda si elle n'attendait pas le train. Un petit marchand de kvass ne la quittait pas des yeux. Arrivée à l'extrémité du quai, elle s'arrêta. Des dames et des enfants y causaient en riant avec un monsieur en lunettes qu'elles étaient probablement venues chercher. Elles aussi se turent et se retournèrent pour regarder passer Anna. Celle-ci hâta le pas. Un convoi de marchandises approchait qui ébranla le quai. Elle se crut de nouveau dans un train en marche. Soudain, elle se souvint de l'homme écrasé le jour où pour la première fois elle avait rencontré Vronsky à Moscou. Et elle comprit ce qui lui restait à faire. Légèrement et rapidement, elle descendit les marches, qui, de la pompe placée à l'extrémité du quai, allait jusqu'au rail, et marcha au devant du train. Elle examina froidement la grande roue de la locomotive, les chaînes, les essieux, cherchant à mesurer de l'œil la distance qui séparait les roues de devant du premier wagon, les roues de derrière. « Là !» se dit-elle, regardant l'ombre projetée par le wagon sur le sable mêlé de charbon qui recouvrait les traverses, « là, au milieu, il sera puni, et je serai délivré de tous et de moi-même. » Son petit sac rouge, qu'elle eut quelque peine à détacher de son bras, lui fit manquer le moment de se jeter sous le premier wagon. Elle attendit le second. Un sentiment semblable à celui qu'elle éprouvait jadis avant de faire un plongeon dans la rivière s'empara d'elle et elle fit un signe de croix. Ce geste familier réveilla dans son âme une foule de souvenirs de jeunesse et d'enfance. La vie avec ses joies fugitives brilla un moment devant elle, mais elle ne quitta pas les yeux le wagon. Et lorsque le milieu entre les deux roues apparut, elle rejeta son sac, rentra sa tête dans ses épaules et les mains en avant se jeta sur les genoux sous le wagon, comme prête à se relever. Elle eut le temps d'avoir peur. « Où suis-je? Pourquoi ? » pensa-t-elle, faisant effort pour se rejeter en arrière. Mais une masse énorme, inflexible, la frappa sur la tête et l'entraîna par le dos. « Seigneur, pardonne-moi !» murmura-t-elle, sentant l'inutilité de la lutte. Un petit moujik, marmottant dans sa barbe, se pencha du marchepied du wagon sur la voie. Et la lumière, qui pour l'infortuné avait éclairé le livre de la vie, avec ses tourments, ses trahisons et ses douleurs, déchirant les ténèbres, brilla d'un éclat plus vif, vacilla et s'éteignit pour toujours.